Non, mais Hop. c'est le plus important. Ok. Oui. Ok, ok. Bon, voilà, c'est reparti. Nous sommes sur cet épisode 5 de Dungeon World. La dernière partie, on avait surtout refait un petit tour un peu de vos envies, voilà, de différentes choses que vous réalisiez entre, on va dire, entre deux missions. Mm-hmm. Donc il y avait pas mal de petits trucs. Je suis en train d'essayer de retrouver. Voilà. Donc le truc le plus important. Non, c'est de savoir vers quoi vous allez, vous voulez aller maintenant. Donc oui, on peut peut-être refaire un petit tour de ce que vous avez fait et ce que vous avez retenu de votre côté. Ouais. Qui veut commencer ? Bah écoute, moi je veux bien. Ah bon. Donc, dans le dernier épisode, l'arbitre avait subjugué le groupe de 7, je crois qu'ils étaient 7, je sais plus si j'en ai tué un, de 7 ouais. Bandits, grenaillons, sous-fifres, voilà, qui restaient de la bande ennemie et les a entraînés et en a fait des vrais hommes sous un régime d'entraînement draconien face à une mort imminente de sa part et très très violente. Il les a reforgés. Ce qui lança des paris aussi. Un nouveau truc lucratif pour Monsieur Ping. Oui. Oui, oui. Et dans lequel tu avais l'argent que tu récupérais là de ça, tu les avais rééquipés pour les endurcir, tels des hommes, des vrais, avec des grosses armures et des grosses épées. Dès qu'on du poil. Alors après, en sachant que dans ce que tu avais récupéré comme gars, il y avait 5 purs guerriers et il y en avait 2, c'est plus, ça fait plus genre intendant, enfin voilà, toi, du ouais, mais... qui s'occupait plus. Voilà, des hommes. Des vrais. Mais oui. S'il voilà. y en a qui sont plus portés sur l'intendance et moins portés sur la violence immédiate et inéluctable... Nous acceptons toutes ces voies-là. Il reste que qu'il y avait bien entendu Jean-Luc. Tous ces paris là que vous avez fait, enfin voilà, vous avez fait un peu le show quoi avec tout ça quoi. Ouais. Je me rappelle plus de tout ça. Et il y avait, attends, je crois que j'avais son nom noté en plus. Où est-il? Oh. Non. Allez, tu laisses passer un mois de JDR et moi j'oublie tout ce qui s'est passé quoi. Non mais l'arbitre il a oublié de préciser un truc très important aussi, c'est moi le chef de la bande. Oui. Si tu le dis. Ah et t'avais accepté et tout le monde a appris que c'était lui le chef de la bande. Bon, y a personne qui peut-être lui répondront aussi rapidement que pour toi, mais... C'est ça, c'est moi le chef de la bande. Ouais, mais j'ai peur de l'armure à glace. Ouais, mais lui, quand il tape, il fait vraiment mal, en fait. C'est ça. Mais lui, il peut me faire subir des choses autres que de la shame. Oui, bah c'est quand même moi le chef de la bande. Oui, oui. Ok. Quoi d'autre ? Il y avait bien entendu ton côté Heinrich. Je ne sais pas si t'es là, parce que je te vois plus connecté. Mais si. Si. Ok. Moi non plus, je te vois pas. Non, mais c'est peut-être un bug des fois. C'est... J'ai eu un doute en fait. Ok. Toi, tu avais étudié le livre. Tout à fait. J'avais commencé l'étude du livre. Et Et effectivement, je confirme au groupe que c'est un recueil de chants et de prières. Rien de plus. Rien de plus. Voilà. Rien de plus. Tout à fait. Ce ne sont pas les druides que vous recherchez. C'est ça. Officiellement, c'est ça. Officieusement. C'est pas ça. Mais voilà. Eh ben putain, je vais être riche. Officieusement, c'est un livre qui te permet en fait d'avoir des informations sur les derniers moments et un peu plus, enfin, un peu plus de la réalité en fait de ce qui s'est passé dans cette ville et moins des on-dit ou enfin voilà, toi c'est quelque chose qui peut te valider ou pas certains a priori. Voilà, et du coup, ça risque d'être fort utile, et du coup, je vais me garder ça sous le coude. Parce que on sait jamais. Tu avais noté qu'il y avait des personnes qui pouvaient être intéressées par l'achat de ce livre, entre autres. Voilà. Tout à fait. Sinon, j'avais fait des recherches aussi sur. Sur je sais plus quoi. Sur en fait un lieu d'un donjon des nincromans. Ah oui, tout à fait, bien sûr, oui. T'avais une partie de la carte d'un donjon nincromant où se trouverait peut-être un objet là-bas qui peut t'intéresser. Oui, j'avais fait des recherches dessus parce que l'autre nuit, il voulait y aller. Tu sais, monsieur malentendu. Ah oui, oui. Oui, y a oui le mec qui croit que je l'ai abandonné alors que c'était pas du tout le cas. C'est ça. T'as malentendu, il était mort. Tu parlais en fait de Yann qui est à la recherche d'un objet et dont tu connais un peu plus, toi, la réalité de cet objet, entre autres grâce au livre. C'était le fameux totem du basilic. Ah oui. Oui, tout à fait. Il permet d'aromatiser n'importe quel plat, à perfection. Voilà, tout à fait. Surtout les sauces tomates. Comment le mec Ivan, il s'appelle Oe, c'est ça? Yann Oe. Oui. Howe, quoi, vas-y. Prends comme tu D'accord. Veux. Bah, je crois que son frère Ivan, il va bientôt arriver alors. Quoi? Ivan Oe. Oui, non, d'accord, non, c'est, je voulais confirmer que c'était bien ça que j'avais entendu. Et moi je l'avais. Et le troisième frère, il s'appelle comment? Il s'appelle Awim. Bon, très bien. C'est canon maintenant. De toute façon, pas encore. Ça va le dire. Ok. Déjà, faut qu'on croise la liche tout le totem. Oui. Donc ça, ok. Du côté de Klaus, claustrophobe, tu avais donc rendu ta mission. Voilà, hein, tu avais ramené la tête de ton ennemi. Ça trompe. Et... ma cible, quoi. Oui, voilà. J'ai pas d'ennemi, moi. Ton gagne-pain, quoi. Oui, c'est... Ouais, ça, non, mais ça, c'est juste parce que t'as pas encore traîné avec moi depuis assez longtemps. Ah oui, ça doit être non, ça. Il a déjà traîné avec toi, c'est bon. J'ai pas d'ennemis, moi, j'ai que tes victimes. Tu avais entendu d'un monstre à tuer, toi, je crois, de souvenir, dans un quartier non loin... entre deux, comme en deux groupes de gangs, entre les chultistes de Lucifer et des paladins de Schwarzy, je crois. Je crois que c'était toi, ça. C'est possible. Je crois que j'avais refusé la mission non, pendant un moment parce que j'avais autre chose à foutre, mais oui, je peux effectivement retourner dessus. Bah, il y avait en fait. Tu en avais entendu parler en tout cas. C'est pas dit que tu l'as. C'est ça, c'est pas dit que tu l'as validé, hein, que tu t'as dit que vous y allez, mais voilà, c'est des choses que vous avez entendu parler. C'est une de mes quêtes annexes. C'est des trucs. Je rappelle un peu tout ce qui a été fait parce que, comme on a dit, ça fait un moment qu'on n'a pas fait et qu'il faut tout rappeler un peu parce que même moi, je l'ai un peu oublié. Donc voilà, apparemment il y a un monstre qui se rôde entre ces deux-là, entre les cultistes et les paladins. Apparemment, vous avez entendu que c'est peut-être une méthode des cultistes pour essayer de récupérer du territoire de souvenirs. Si tu connais l'ordre des parties, tu sais que ça ne sera pas efficace parce que ils voient un big monster. Ouais, mais moi j'ai des années de pratique. Du côté de Selene avait joué pas mal, continué. Le Krav Maga. J'avais écrit Mahjong. Non. Et d'ailleurs, les druides. Et on avait dit que les druides avaient remarqué Selene d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Apparemment, tu, avec ta façon de faire et ta façon d'être, apparemment, un petit groupe de druides semble t'avoir repéré. Alors pourquoi, comment, tout pas. Ça, tu ne sais pas. Moi et de plus. L'autre côté, il y a l'esprit de Selene qui s'amuse avec les sbires de Arbitreur. <C'est ça. rire> En fait, voilà. Tu vois, je commence à penser que cette relation va devenir profitable pour nous deux. Je n'aime pas cet esprit, mais elle est utile. Ah. Goulou Mélano. Et il y a un dernier truc, mais j'ai noté quelque chose, mais je ne m'en souviens plus du tout. Est-ce que ça parle à quelqu'un, les marqués? Non. Chez Ping. Non. Okay. Mais quoi, pardon, j'ai mal entendu. Les marqués. Les marqués. Oui, bah c'est les clampins. Oui, voilà. Ah, c'était clampins. Voilà, c'est le gang des marqués. Oui, bah oui, voilà. C'est vrai. C'est le nom de mon gang. Attends, le jeu, ça s'appelle comment que je l'écrive correctement? Les marqués. Genre qui. Le Krav Maga. Le jeu, le Krav Maga. Le Krav, c'est le Krav Maga. Krav, ouais, c'est ça. Krav Maga. Voilà. Après, de toute façon, il y a différentes variantes selon les régions. Oui, voilà. Parce qu'il y a les règles à l'Aquitaine, il faut pas oublier. Tout à fait. Bon, ça, j'en invente 10 à la seconde. Enfin, Selene en invente 10 à la seconde et des fois, ça marche. Donc voilà, ce qui avait été fait un peu à la dernière session. Ça fait un bon petit rappel. Donc bah maintenant, vous êtes toujours chez Ping. Ça fait maintenant quelques semaines que vous êtes là, que vous entraînez vos gars, que vous profitez un peu de l'argent que vous avez peut-être pu gagner, enfin de la renommée, un peu voilà, de quelques petits trucs que vous avez. Bah, moi du coup, si on compte en... Qu'est-ce que vous sentez, quoi? Moi, en semaine, si on compte en semaine, je pars du principe que je me suis renseigné sur la bestiole qui rôde. Ok. Moi, je me suis bien amusé. Surtout qui donne les informations et qui donne la prime. Très bien. Mais comment tu veux avoir par quel moyen tu t'es un peu renseigné, enfin voilà. Bah j'ai parlé sans filtre à droite à gauche, comme quoi je suis au courant qu'il y aurait une bestiole qui rôderait entre tel quartier et tel quartier. Ouais, ok, c'est vraiment voilà, c'est vraiment en mode bon je j'y vais. Ouais, il y a du taf, j'y vais quoi. Ok. Alors, je suis en train de rechercher par quoi on pourrait On pourrait lancer un dé pour savoir un peu ce que tu récupères. C'est con, mais... Et tu n'as aucune idée. Préparation. Ça va être... Ouais. Si vous préparez pendant une semaine... Oui. Non, préparation, c'est juste si tu passes du jouet, si tu passes du temps, ça te donne un bonus de jet. Bah ça va être ça en fait. Ça va être un bonus de G sur le truc en gros. Qu'est-ce que je fais ? Tu une semaine ou plus gagner un de préparation si vous préparez pendant un mois ou plus. Ah, j'ai dit quoi ? J'ai dit deux semaines, c'est ça ? À peu près, ouais. Ouais, bah oui, on va vous lance 2d6 plus 1. Ouais. Alors, ok, 7. T'as donc c'est une réussite mitigée. Donc, t'apprendras juste une information. Alors, c'était quoi tes questions ? T'avais qui fait la prime ou qui offre la prime, principalement pour savoir qui je dois m'adresser pour avoir potentiellement plus d'informations, quoi. D'accord. Non, voilà, non, mais c'est là-dessus. Ok. Tu veux poser la question. La personne qui offre la prime doit savoir qu'est-ce que c'est comme bestiole ou peut me fournir des informations. Tu t'apprends en fait que la prime. C'est un indépendant qui l'a mis, c'est pas du tout un des parties prenantes là des gangs. D'accord. Un indé qui tu t'apprends en fait qui sert un peu de face de comment. Ouais, d'accord, c'est lui qui gère ce genre d'affaires, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le gars qui. C'est le courtier, quoi. C'est par lui qu'on passe pour généralement machin, enfin faire des trucs sans que tout le monde sache qui a vraiment est derrière le truc, quoi. Un courtier de l'ombre. Voilà, c'est. Un peu le genre. Fait quelque chose, ça. Oui, mais c'est vrai. Voilà, donc c'est ce courtier de l'ombre qui. Qui en saurait plus, quoi. D'accord. Bah, je continuerai dans la subtilité à poser mes questions pour dire que je cherche le courtier de l'ombre. Bah, t'apprendras que en fait c'est un gars qui se balade. Il est jamais. C'est pas un gars qui se trouve dans le secteur du vieux ping. C'est quelqu'un qui se balade tout le temps dans la ville. D'accord. En fait, il est. Il a un peu des lieux un peu fixes où il passe. Voilà, juste pour ramener la prime ou voir s'il y a des gens qui prennent le truc. Enfin, voilà. Mais il est toujours apparemment en mouvement. Bah, certains disent parce qu'il aurait sûrement toute une cargaison d'or derrière lui pour pouvoir payer les primes parce que c'est lui qui les garde. Mmh. D'autres sont un peu plus méfiants là-dessus, quoi. Mais voilà. Donc t'apprends que à quelques endroits où tu sais que le gardien de l'ombre passe. Alors après, c'est de savoir si tu tomberas sur le jour où il est passé ou pas. Ça, tu... Voilà, il n'y a pas d'horaire fixe sur son passage. D'accord. Et est-ce qu'il s'appelle Johnson ? Non, on va arrêter avec lui. Non, c'est pas du cyberpunk, alors il s'appelle pas Johnson. Ah, dommage. Il s'appelle Johnson non, que si c'est du cyberpunk. C'est vrai. Là, en il plus... En plus, il y en a, ils ont un Johnson un peu traumatisant à l'heure actuelle, donc voilà. Puis c'est pas un nom basé sur un jeu de mots, donc on peut pas accepter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est, ça n'adhère c'est... pas à la charte de dommage. Voilà, il y a une charte Dungeon World bail local, à un moment il faut la respecter. Quoi. Alors le bail local c'est plus bail vous quoi. Non mais c'est bail local parce que c'est toi le MJ, c'est tout. Oui voilà, c'est toi le MJ donc tout est de ta faute. C'est toujours de ma faute, j'accepte, donc oui. Très bien. Eh bien moi je suis partant pour une chasse aux monstres. Déjà on va faire une chasse au courtier et après on ira chasser le monstre. Ça ah, dépend voilà. Par rapport à l'école de par rapport à mon truc, ça se trouve où le monstre? Bah c'est sur la roue. C'est pas dans le quartier le plus proche hein, mais c'est pas non plus très éloigné, enfin comment dire, t'as le quartier où il y a le monstre qui est entre les cultistes et les paladins, et en fait c'est un peu plus loin que tu auras le donjon enfin nécromant. De toute façon faut voir que les secteurs nécromants sont proches en fait de la palissade de la muraille qu'ils détiennent de façon pas tout mais une bonne partie quoi. Donc c'est toujours faut se dire que les lieux des nécromants sont toujours très éloignés en fait du centre où vous êtes là de toute façon. Et ensuite okay. C'est faisable d'y aller quoi, mais voilà, ça prendra un peu de temps. Ouais bah du coup je vais pas me jeter tout de suite sur l'occasion, je vais attendre de voir comment les autres membres du groupe réagissent face à la proposition. Moi de mon côté je suis. Ben donc si j'ai bien compris, si on veut aller au truc nécromant, il faut passer par on peut passer par le quartier où il y a la bestiole. Oui. C'est envisageable. Ok. Mais voilà, c'est. Je veux dire, vous ferez pas tout dans la. Tout dans la foulée. Quoi. Ouais. Dans ce cas, est-ce qu'il serait pas intéressant, potentiellement, hein, je dis, d'aller pour le donjon en nécromant et au retour de se taper la bestiole. Oh. Parce que du coup, le truc c'est que si on se tape la bestiole d'abord, ça veut dire qu'on doit se traîner la carcasse ou la preuve qu'on l'a tuée pendant tout le donjon et c'est pas forcément envisageable. Enfin, c'est pas optimal. On va laisser des traces aussi. Voilà. Alors que si on fait ça sur le retour, bah on peut envisager selon si on pense qu'on est de taille à la prendre ou pas à ce moment-là. Oui, oui. Plutôt que de foncer dans la bestiole. Évidemment qu'on est de taille. Mais pas trop, et en fait de se rendre compte que plus tard, dans le donjon, en fait, finalement, c'était pas une bonne idée. Évidemment qu'on est de taille, voyons, tu nous prends pour qui? Ah, je dis ça, mais... Moi, oui, non, moi je sais que je suis de taille, moi. Mais bon. Bah alors, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si tout le monde est sûr de ses capacités. Moi, je suis sûr de mes capacités. Donc, vous faites le choix Je pense qu'on est arrivé à la conclusion du « on va aller vers le donjon et si on se sent apte à le faire, au retour, on va se taper la bestiole. » Non mais c'est une très bonne idée, Arbiter, hein. Je me disais bien que je m'étais pas trompé sur vous quand je vous ai nommé commandant des troupes. Très bien. Bah, en parlant des troupes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de les prendre avec vous? Est-ce que vous décidez Remarque, on peut les envoyer buter la créature. En partant du principe qu'ils sont capables de le faire. Oui, voilà, oui, c'est parce sûr. Que sinon on donne juste à manger à la créature. C'est ça. C'est... On n'est peut-être pas là pour nourrir la faune locale, quoi. Hein. Alors, pour le coup, c'est surtout savoir voilà, ce qui est. Je pense que, bien qu'il pourrait être utile pour le moment, Je pense que nous avons besoin de. Bah, tu verras qu'il y a un des gars qui t'sais un peu des intendants ouais, le... qui t'explique que lui voilà il serait peut-être plus intéressant de d'affirmer notre présence chez le vieux Ping pour essayer peut-être d'avoir des recrues potentielles et peut-être des contrats qui amèneront, enfin voilà, vous comprenez hein. Est-ce qu'il est en train d'insinuer qu'il vaudrait mieux qu'il reste en arrière pour ne pas combattre, pour essayer c'est le mieux. Tu veux pas te battre? Non, ok. Non mais je comprends ce qu'il essaye de dire et je pense aussi que dans les faits ce ne serait pas forcément utile d'avoir un grand groupe, surtout dans le donjon. Donc, pour la chasse à la bestiole, pourquoi pas, ça pourrait être utile. Mais dans un donjon avec des couloirs serrés, c'est pas forcément utile d'avoir beaucoup de personnes. Donc je pense que... Ouais, on peut quand même prendre une ou deux chairs à canon. Putain, volontaire. C'est pas faux. Alors, quand tu dis le mot volontaire, clairement, t'as le premier marqué. Ouais, c'est ce que j'allais dire. qui est là, quoi, au taquet, quoi. C'est ça. Toi, choisis un autre volontaire. Bah, tu vois qui va choper un des autres gars, un des gars qui a suivi un peu plus le, okay. Qui vous a un peu plus suivi. Clairement, vous avez un peu les deux fanatiques de votre groupe, quoi. Les deux convertis à mort, tu vois. Oui, les deux cons tout court, on peut dire même. Je suis vraiment con. Ils ont pris le coulet et ils étaient en mode yeah. Ils ont trouvé, tu ne sais pas comment, et une bombe de peinture chromée. Parfait. Eh bien, nous prendrons ces deux-là avec nous, et le reste restera en arrière pour poursuivre les entraînements draconiens que je les fais suivre. Et ils le feront sans faillir, n'est-ce pas? De toute façon, on verra aux recettes. C'est pas faux. Bah, clairement, oui, si tu... Ouais. Si tu les menaces un peu là-dessus, tu verras que bon, ça fait 2 semaines qu'ils suivent l'entraînement. Ils commencent à être habitués. Ouais, non, ça, ils vont plus ou moins suivre. Et puis, Célène l'a bien fait remarquer, ils remarqueront au bénéfice qu'il y a. C'est donc, pas faux. Ils comprennent rapidement que il y a. À part jouer et gagner un gros bénéfice et faire genre voilà, ils n'ont pas trop d'autres choix et donc bon toi okay. c'est très, il y a peut-être certains qui vont essayer, tu sais pas, on verra ça, mais ok, bon bah parfait. Eh bien je pense qu'il faut nous préparer et donc c'est vrai que eux ils ont besoin de manger. Alors, pour le coup, vu oui, qu'il y a 2 semaines qui sont passées, il y a un peu de bénéfices qui sont rentrés dans vos caisses. Oui, bon, on arrive à faire tourner la cantine, quoi. Je considère que, voilà, vous réussissez à racheter, je pense, je sais pas, 4-5 rations. Oui, bien sûr. Voilà, chacun, il y a aucun souci là-dessus. Aïe. D'accord. De toute façon, c'est pas... Pardon. Bah. Oups. Tic-tac. Bon, bah, parfait. Hein. En avant, les enfants, prenez vos sacs à dos. Ok. Bon, bah, le jour où vous partez, c'est pas le plus beau des jours, hein, clairement. C'est nuageux, il y a. Vous voyez que la pluie va bientôt tomber. De toute façon, il a plu il y a déjà 2-3 jours. Il y a des flaques d'eau encore présentes un peu partout. La seule grosse lumière en fait qu'il y a dans la journée, elle vient du manoir de Lucifer. C'est le coin le plus éclairé. Je sens que c'est un peu glauque et tout. C'est ça. Tout à fait, c'est vous entendez, si ce n'est vous entendez les genre les chaînes qui grincent, qui vient de du manoir. Mais bon, c'est pas une journée qui fait vraiment plaisir, quoi. Mais bon. Après, la ville est surtout connue pour ces moments-là. Hein. Faut pas se le cacher. Donc, de ce que j'ai compris, une météo bretonne. C'est ça. À peu de choses près. Ok. Eh bien, moi, je vais monter sur mon cheval, fidèle destrier. Et je vais partir comme ça, avec mon sac et les deux qui suivent derrière. Alors, moi, j'ai pas de monture. Personne, à part moi, n'a de monture. Que je sais, donc... Oui, voilà, c'est... Il n'y a pas un service de location ? Pourquoi faire ? Et éviter de buter le mec qui va nous filer un cheval. Quoique, un cheval en ville, dans ce genre de ville, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Ouais, voilà. Puis on va clairement, aller dans un donjon, non. Tu vas faire quoi? Tu vas garer ton cheval devant le donjon? Bah ouais. Bah oui. Oui, bah oui. Et bien sûr, il sera là quand tu ressortiras. Hein. Bien sûr. Étant donné que c'est un cheval mort-vivant qui ne peut pas faire non, autre chose que... Le tien, oui. Mais les autres chevaux qui seront des vrais mort-vivants. Hey, ils font la nourriture pour le mort-vivant. Et on ressort du genre, bah ils sont où les autres chevaux? Pourquoi il y a des squelettes de chevaux? Pourquoi le cheval de l'arbitre il est plus gros que les autres, il est plus gros qu'avant? Pourquoi les os de chevaux redeviennent des chevaux? C'est ça. Mais c'est trop un cheval mort-vivant, c'est un cheval zombie ton truc. Oui. Les chevaux zombies sont extrêmement utiles, ils ne se fatiguent jamais. Oui. Et un zombie c'est quoi déjà? Ah, un mort-vivant, tiens. Oui, un squelette aussi, c'est un mort-vivant. Ouais, voilà. Donc, dans tous les cas, ce serait un cheval mort-vivant, du coup. Oui. Du coup, il y a Arbitraire sur son cheval en tête et nous derrière. Bah, je vais pas aller au galop non plus. On se demande qui est le chef du groupe, hein. Bah, visiblement, c'est Klaus, d'après ce qu'il est en train de dire. Ah, bah, il est pas sur le cheval. Le cheval est le chef de groupe. Quoi? Non. J'ai pas été consulté. Mais tu parles pas le cheval, c'est pour ça. Il a pas pu consulter avec toi. Ok. Je pense que le cheval a des arguments extrêmement percutants. Je suis sûr que le cheval, il parle pas le cheval non plus. Hein. Yep. Alors. Je suis en train de chercher. J'avais noté ça quelque part. Donc ouais non bah vous avancez. Vous allez me faire un jet le jet de voyage hein, habituel. Mm-hmm. Voir un peu ce qui c'est pas ça. Non c'est dans base. Ah non, c'est dans les spéciales, non, j'ai rien dit. Ah oui, il est là. Voyage périlleux, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Bah oui, vous restez dans un coin qui est... voilà, des choses peuvent arriver. Donc du coup, Arbitraire en premier avec son cheval. C'est ça ? Ou alors c'est l'Arbitraire premier. Ouais. Ou alors c'est enfin, du Gruau. Ce qu'il disait. On a perdu en route ? Ouais. Hein ? Quoi ? Il est occupé de chercher son cheval. Ouais, faut croire. Parce que là on a Arbitraire, Klaus, Selene. Bah, il y a que 3 trucs à faire, non ? Il y a que 3. Ouais, il y en a que 3 en fait, c'est bon. Ouais. Tant que vous définissez en fait les rôles entre qui faisait l'expert. Enfin, du coup, je serais plutôt Ekara pour le coup. Ouais, je ferais Serfil. Ok. De toute façon, et donc intendant Selene. Donc, ok. Voilà, et moi je chapote un peu le tout. C'est ça. Mais quelle arnaque, ce mec. Bah, clairement, donc ouais, réduit le nombre de rations nécessaires de 1. Bah, en gros, vous perdez pas de rations. Enfin, vous réussissez en fait à traverser très rapidement le secteur, tout ça. En fait, quand vous allez arriver de nuit, mais ça va être le bon. Enfin, vous avez réussi à manger sur le pouce sans bouffer toutes vos rations, et vous allez finir arriver si vous arrivez. Enfin, si vous voulez manger, voilà. Donc, tac, tac, tac, tac. Hop. Ça va être très bien ça. Donc vous arrivez sur du côté des murailles, dans ce qui devait être un coin qui était clairement peut-être le cimetière en fait de la ville, mais tu sais le cimetière des gens riches, quoi. Clairement. Mmh. C'est ce que tu avais récupéré, toi, une partie voilà du secteur, et vous saviez que ça allait être de rentrer dans des mausolées. Voilà, je cherchais le mot. Et vous allez avoir pas mal, vous savez que vous allez avoir pas mal de choses à déblayer, parce que le cimetière a été clairement le coin qui a pas été enfin voilà, il fait partie un peu comme le secteur des religieux. C'est un coin voilà qui a pas été trop fouillé non plus, en tout cas s'il y a quelques secteurs un peu, mais vous voyez que ça allait vite tomber, sûrement à cause des nincromans, hein, qui ont vite pris le quartier, vu que c'est un de leurs voilà, c'est un de leurs viviers à cadavres. Au niveau, vous remarquez pas que vous avez pas été suivi. Enfin, c'était, le nombre normal de rations, le trajet de temps, qu'est-ce qu'on était, ouais, voilà. Donc il y a personne qui vous surprend. Vous arrivez à remarquer quelques gardes qui tournent un peu autour des gardes squelettes, voilà. Il y a une petite ronde, mais rien de très très important. Vous comprenez que c'est plus des gardes pour montrer la présence que pour réellement garder quelque chose à première vue. Voilà, en tout cas ils n'ont pas l'air de vouloir protéger un lieu plus qu'un autre, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'on a des informations sur là où se trouverait la relique, ou est-ce qu'on va devoir juste fouiller dans les mausolées jusqu'à trouver une entrée? Alors vous avez un lieu, votre ami le le archéologue, vous avez trouvé une petite carte qui, voilà, une partie où il y avait une partie de la carte, donc vous savez où vous allez, il n'y a pas de souci. Vous êtes en fait, vous comprenez que vous devez aller dans pas le plus grand mausolée, mais ça doit être le troisième, quatrième. Enfin voilà, c'est le truc qui sort quand même bien du lot au niveau de l'entrée, quoi. Mmh. Ouais, c'est au fond à droite. Bien sûr, d'habitude c'est à gauche. Ah bah là, c'est à droite. Voilà. Mmh. Bon bah, je pense qu'on va aller par là. Je vais ouvrir la marche pour aller dans cette direction. Ok. Attends. Je suis en train de. Tac. Je suis en train de trouver une carte qui peut être intéressante. Mmh. Je suis désolé, je serais comme je savais pas par où vous allez commencer. Le truc, je me dis c'est bien, j'ai trouvé un truc qui me fait des donjons aléatoires, mais je pensais que j'allais pouvoir au moins récupérer les images. Il y a Cécile sur le chat. Yeah, salut. Salut Cécile. Attends, je fais ça sur le pouce. Hop, tac. Enregistré, oui. Ouais, moi j'aurais préféré que tu passes ça sur l'écran. Ouais, bah ouais. Mieux voir. On essaye. Je vais essayer de mettre ça sur l'écran. Tac. Eh merde. Coucou Cécile, sinon. Comment ça va? Tac. Hop, on passe ça sur la couche de carte. Hop, tac. Vous avez... Ok. C'est bon, vous avez le truc. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Il y a 1, 2, 6 à côté du 1 et du 2 pour une raison bizarre et incongrue. Oui, bah, ah non, bah, d'accord, c'est pas d'accord, non, si je vois, c'est pas, c'est en ordre, d'accord, ok. C'est juste qu'il y a des du texte pour dire ce que c'est un peu et tout ça. Mm. Et voilà, que comme je vais en utiliser un peu, c'est fait au... Comme okay. je dis, hein, c'est fait au... sur le pouce, mais vous le voyez quand même. Très bien. T'as un grand pouce, dis donc. Hein. T'as vu ? Un grand pouce. Donc, vous arrivez dans... devant, la... devant ce mausolée. Vous voyez que les portes sont clairement enfin, à terre, dégon... enfin, voilà, c'est dégondé, dégon... dégongé, je ne sais même pas comment on prononce. C'est même dégondé. Pas s'ils disent. Dégondé, si, ok. Des grosses portes en fer. Vous voyez qu'il y a une partie même qui a peut-être, enfin, qui a été genre essayer de récupérer, le fer a essayé d'être récupéré sur une partie pour. Pour sûrement bah, utiliser sur à d'autres choses quoi. Vous comprenez que qu'il y a peut-être un gars qui vient peut-être de temps en temps voilà récupérer un peu de fer ici. L'orage a, c'est voilà comme je vous ai expliqué au départ, il y avait tout cette ce côté un peu pluie orageux et ça devient de pire en pire. Vous comprenez que ben vous serez bien quand même bien plus au chaud à l'intérieur, mais bah c'est complètement noir quoi, il n'y a pas de lumière qui sort de ces marches qui descendent vers et vers ben je vais sortir une torche dans mon sac et l'allumer pour permettre de voir et descendre l'escalier doucement en prenant garde à ne pas glisser sur les marches. Et... mais sûrement. Donc tu es le premier, tu vas en quai en avant. Ouais. Vous entendez un peu au loin, derrière la pluie, peut-être des... les, peut-être des combats qui ont commencé, peut-être un peu... pas proche de vous, un peu plus éloigné, mais voilà, vous comprenez que la nuit va sûrement être mouvementée un peu dans le secteur, un peu au loin. Voilà. Ok. Donc en descendant, vous descendez les marches, voilà, ça fait c'est un tout un escalier à différents niveaux quoi qui descend. Vous comprenez que c'est assez un peu comme un peu profond et au moment où vous sortez un peu de ces escaliers, vous arrivez attends parce que je suis hop, voilà, vous arrivez par là. Je sais pas si vous avez vu, mais donc c'est par ici que vous arrivez et vous entrez dans voilà dans une grande pièce, vraiment c'est vraiment immense, avec pas des poutres mais des colonnes en pierre finement ciselées qui soutient toute la pièce qui sont plutôt hautes. Vous remarquez que c'est voilà, c'est sur les premières colonnes, vous remarquez que c'est des éléments un peu de comment d'animaux un peu mystiques et tout ça, enfin c'est clairement une chose que qui est vraiment très ancienne hein, ce secteur. OK, parce où est la loutre sur ton front. Mais tu vois pas la loutre là. Eh ben, je vais chercher la loutre. Voilà, je vais commencer à étudier ces colonnes et forcément, si ça a un rapport avec le totem du basilic, faut qu'il y ait une loutre quelque part. Hein, je veux dire, c'est écrit. Les deux sont intimement associés quand même. Hein, donc, tu vas un peu, voilà, un peu chercher. Prendre un peu ton temps pour chercher. Clairement, tu trouves pas tout de suite la loutre. Clairement, c'est plus des animaux. Des animaux, tu sais, genre unicorne, dragon, Enfin voilà, t'as un peu vraiment de ce niveau-là, mais au bout d'un moment, tu vois un bas-relief qui montre en fait ben, peut-être quelques loutres en train de s'amuser dans une rivière. Voilà. Oh, roule. Celles-ci, enfin voilà, elles sont. Ouais, elles paraissent vraiment très. Très bénin comparé à toute la fioriture qu'il y a sur les autres animaux. Oui, oui, oui, bah n'empêche que je vais étudier de près la colonne qui a du coup ses loutres sur elle. Ok. Pour voir si je peux pas en tirer quelque chose d'utile là. Ok. Donc je vois Monsieur Foxcroft subjugué par cette colonne, ma foi, fort banale, j'ai envie de dire, comparé aux autres œuvres. Je pose la question. Pourquoi s'intéresse-t-il à des peluches? Et je vais le voir, je m'approche de lui et je lui pose la question. Pourquoi cette colonne en particulier, mon ami? Pourquoi des peluches alors qu'à côté nous avons de magnifiques dragons? Eh bien, voyez-vous, d'après les anciennes légendes, il se trouve que l'imagerie de la loutre est intimement associée avec l'artefact que nous cherchons, qui, je vous le rappelle, est le totem du basilic. Alors, oui, effectivement, ce n'est pas tout à fait clair parce qu'il y a très peu de textes. C'est surtout la tradition orale qui a survécu de l'époque. Et donc, le rapport exact entre les loutres et le totem du basilic n'est pas forcément très clair, voyez-vous. Mais n'empêche que la loutre est un signe de ralliement du culte. Et donc... Et là, t'as un bâillement de loutre-tombe qui s'entend. C'est le bâillement de loutre-tombe. Ah ben, j'espère que c'est pas fait trop mal en tombant, la loutre. Alors. Bah oui, voilà, c'est ça. Non, clair, il y a mon esprit qui vient de bâiller très fortement. Ah, mais vous le dites si je vous emmerde. Vous m'emmerdez. T'as demandé. Pardon. Et là c'est le silence. Ouais, je me disais aussi. Donc ouais. Voilà, revenons donc à nos loutres, hein. Voilà. Oui, évidemment, oui, évidemment. Et donc là je m'efforce de voir si cette imagerie de loutre ne cacherait pas peut-être un message. Donc loutre, basilic, même combat, quoi. C'est cocasse. J'ai envie de dire c'est cocasse. Voilà, c'est disons... Disons qu'il y a quelques petites similitudes, pour le formuler ainsi. Fort bien. Ok. Toi, tu fais quoi de ton côté, Arbiter? Je vais faire le tour de la pièce pour m'assurer qu'on ne se ferait pas attaquer par je ne sais quelle bestiole qui traîne dans le coin. Ah, tu fais un tour de sécurité. C'est ça. Fais gaffe à pas trop vomir. Alors, pour le coup... Tu vois que la porte qui est en face de celle de la par là où vous êtes arrivé, c'est une porte en fer cette fois qui est vraiment bien fermée, qui est bien présente. Pas l'air d'être ouverte depuis, enfin ne s'est pas ouverte depuis bien longtemps à première vue, parce qu'il y a tout un amoncellement de poussière toi dessus devant quoi tout ça mais il y avait devait y avoir des petites portes en bois sur celle de côté, tu vois que voilà il n'en reste rien tu... Mm. Tu essaies d'ouvrir la, genre, la porte en bois et t'as plus de chances que, en fait, qu'il te reste dans la main la clenche en métal et une partie du bois, quoi. C'est vraiment... Ouais. C'est un sort tout toi, quoi. Non, mais ça se voit que clairement, ces portes n'ont pas été, ont pas été conçues pour des gens comme moi. Non, pas trop. Tu passes limite pas l'encadrement de la porte, déjà. Bah, clairement, si, il pourrait passer l'encadrement de la porte tranquillement. Hein. D'accord. Oh. Bah, écoute, je vais ouvrir, je sais pas, celle de gauche. Hein. Et voir bah, ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que, bon, bah, vérifier que bah, quand c'est... tu... Voilà, quand... Quand tu l'ouvres, en regardant, tu remarques que, qu'il n'y a pas grand-chose. C'est plutôt vide. Ça a l'air d'être plus un comment une salle en fait préparatoire en fait. Ouais. Devait sûrement avoir peut-être là lieu le peut-être la. La préparation. L'embaumement, la ouais. préparation des corps, tu vois, quelques outils qui peuvent te faire penser un peu à ça, quoi. Mais c'est plutôt vide. Devait peut-être avoir d'autres trucs, mais qui ont été sûrement volés avec le temps, quoi. Ah, d'accord. Bah, je vais répéter l'opération bah, sur celle de la droite. Voilà. Et dans l'autre, tu vois que c'est plus le lieu, peut-être un peu de culte. Dans le sens où toi, c'est peut-être l'endroit où devait peut-être peut-être les sacrements, les derniers sacrements et ainsi de suite. Pardon, ouais, je vois. Mm-hmm. Ok. Et ben. Ok. Donc quoi, ouais, tu pour Mister Heinrich, tu t'es en train de regarder un peu plus ce bas-relief. Est-ce que t'as un truc de particulier de ton côté pour faire de chercher des choses? Je ne sais plus. Bah, ça dépend. J'ai antiquaire. Ouais. Quand vous examinez un objet magique, un artefact ou une technologie ancienne, mais je ne pense pas que la colonne rentre dans une de ces trois catégories. Mais à toi de me le confirmer, quoi. Non, c'est pas un artefact, c'était quoi, c'était pas... Attends, je... Magique. Objet magique, artefact ou une technologie ancienne. Si, vas-y, balance quand même, il y a un truc qui peut peut-être... Ok. Alors, quelle est la fonction de cet objet? Soutenir le plafond. Soutenir le plafond. Non, mais c'est au bout d'un moment, en fait, tu comprends que ce bas-relief n'est pas fixe, en fait. Il a un truc qui, en fait, tu comprends que les loutres doivent bouger, en fait, au bout d'un moment, et qui tournent, en fait, et tournent. Et c'est ça, par exemple, ce qui pourrait permettre d'actionner quelque chose. Alors, de quoi, tu aurais du mal à dire, mais du coup, ma deuxième question, du coup, c'est comment activer cet objet? Et bah du coup, je suppose que c'est en bougeant les loutres et en trouvant la bonne séquence. C'est ça. Voilà. Tu serais pas MJ, toi, dans une autre vie? Non, même dans celle-ci, en fait, hein, figure-toi. Ah. Donc en me rendant compte de ça, je fais « Klaus !» Voilà, alors je sais pas si t'es toujours à côté de moi, du coup, Klaus. Oui, je suis pas loin. Voilà, bah vous voyez, Klaus, comme je disais, donc, ces loutres là, en fait, comme vous voyez, on peut les bouger. Oui, parfait. Il est donc fort probable qu'en obtenant la bonne séquence de loutres, on active un mécanisme. D'accord. Et une porte. Et là, sans qu'ils finissent, je commence à trifouiller les trucs. Les loutres. Et je lui trifouille la loutre. Tu trifouilles. Alors oui, non, mais c'est très bien l'esprit d'initiative et tout, bravo, je vous applaudis, mais doucement quand même, hein, parce que je veux dire, on n'est pas sûr si ça va déclencher une porte ou un piège. Oh, il n'y a qu'un seul poisson d'eau dans sa foire. Pendant ce temps, du côté de l'arbitre. Ah c'est pas grave, c'est bon, il va encaisser. C'est ça. C'est l'arbitre qui revient avec genre une demi. C'est l'une qui s'approche. Une demi lance plantée dans l'épaule. Attends. C'était un piège. Hein, c'est l'une qui quoi? Et elle s'approche. Elle trouve... Ça a l'air d'être marrant. Du coup, elle vient voir. Ah bah du coup, je refais toute l'explication sur les loutres, le totem du basilic. Et on se dit, la bonne séquence. Fait, oh, super. Est-ce que t'as une explication sur Etul Tutim? Bah je sais pas, est-ce qu'il y a une liche qui apparaît? Non mais tu entends un nouveau bâillement. C'est la liche, oh, c'est sûr. Oui, oui, oui, c'est la liche Etul Tutim. La liche Etul Tutim. Donc non, voilà, il y a différents... Vous comprenez que les... Avant que tu fasses ton explication, est-ce que je peux faire un test de genre lancer des dés à la con, je sais pas, trouve-moi quelque chose, en manipulant les loutres, est-ce que j'arrive à déclencher quelque chose? Je crois qu'il y a de la chance, balance un truc de chance. Eh, balance ta chance. T'as pas. Non, y a pas la chance si je confonds avec un autre. Dextérité, intelligence, sagesse, charisme. Bon, charisme, je pense que c'est pas mal, hein. Non, bah non, c'est pas charisme. Récupérer, recruter, préparation, manifestation. C'est plus de la sagesse en fait. Ouais, là je ferais un défi le danger sur la sagesse. Ouais, c'est ça, défi le danger sur la sagesse en fait. Ce qui me paraît le plus logique, moi aussi. Pour le coup. Succès partiel. Tu entends? Mais à croire que je vais pas prendre d'XP aujourd'hui. Ah tiens, j'ai pas fait mon montée de niveau moi. Je suis à 9 sur 8. Oui, mais c'est pas. C'est toi, hein. T'avais marqué dans ton truc qu'il fallait le faire. Ah bah tant pis, je le ferai plus tard. Trop tard. Oui, là, tu peux pas, oui. Tac, tac, tac, tac, tac. Tu vois que... qui empire ou marche pied. Tu comprends que... Il y a un son, en fait, qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui a... qui s'est ouvert. Mais tu vois rien pour le moment s'ouvrir autour de toi. Je suis sûr que ça a poussé quelque chose. Alors, ayant également entendu ce clic, moi du coup, avec mes connaissances supérieures du fonctionnement de ce mécanisme, grâce à mon étude approfondie de la colonne... Je cherche à déterminer du coup l'endroit d'où pourrait provenir ce clic et qu'est-ce que ça a déclenché précisément. Bah tu comprends en fait qu'il y a plusieurs qu'en fait le mouvement des loutres et tout ça peut donner plusieurs combinaisons en fait et ouais. Que chaque combinaison amène quelque chose, mais apparemment là ça a pas eu d'effet visuel direct de votre côté. Donc tu te doutes que ça a dû ouvrir quelque chose qui n'est pas dans cette pièce ou un peu plus loin. Enfin, voilà, une pièce pas un peu plus loin qu'ici. Quoi. Ok. Ah! Ah, je vois ce qui s'est passé. En fait, à mon avis, il faut exécuter une série de combinaisons pour déverrouiller l'ensemble du mécanisme. Oui, tout à fait. Moi, tout ce que j'imagine, c'est un des nécromants qui est coincé dans les toilettes maintenant. Sortez-moi d'ici, c'est ton client. Je valide l'idée, mais tellement à bloc. T'as la porte qui se ferme, mais... Les gars, s'il te plaît, y'a quelqu'un ? Arrêtez vos conneries, c'est pas drôle. Je vous avais dit d'arrêter. Rallumez. Ouais, sérieux les gars, arrêtez vos conneries, merde. C'est tout noir ici. J'ai peur du noir. Aïe aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de l'espèce vous de raciste. Bah bravo. Qu'est-ce qu'on va faire de vous. Bon, en tout cas, voilà, tu sais que qu'il y a sûrement quelque chose peut-être dans la salle ou qui peut peut-être donner des indications sur le fonctionnement. Enfin voilà, tu penses qu'il y a un truc qui te permettra quand même de trouver la bonne clairement la bonne combinaison. Faut étudier les autres colonnes maintenant, hein. Maintenant qu'on sait ça, voilà, je suis sûr que la réponse va se trouver sur les autres colonnes. Que je vais étudier du coup, voilà. Ok. Célène, est-ce que tu quelque chose qui te que veux-tu faire? Bah écoute, depuis tout à l'heure qu'ils sont occupés de chipoter aux loutres, moi je vois un poisson qu'une loutre tient, du coup je vais appuyer dessus. Tu tentes de appuyer sur le poisson de la loutre? Oui. Ouais, bah y a rien qui se passe. Ah bah c'est tard. Oh, tu veux pas marcher, ah, bah, on peut pas toujours gagner en faisant les trucs au pif, merde. Hein. Mais tu comprends que. Mais du coup, dans les toilettes du nécromant, il y a la chose qui vient de. C'est ça. vous entendez le. Oh non, les flèches. Le flash. Aïe. Donc, poisson, c'est logique. Mais merde, mais j'avais dit qu'il fallait pas mettre des toilettes à la japonaise. En espérant pour lui, le jet d'eau chaude. Ouais, mais c'est le vieux Ping en arrivant ici, il avait tout un stock à vendre, tu sais. Alors bon. Mais vous allez m'ouvrir, bordel. Oui, donc bah voilà, je vais juste expliquer vite fait. Vous comprenez que les colonnes expliquent. Merde. Pardon. Je crois que j'allais me chercher de l'eau après. Qui explique là un peu là genre ça fait un peu genre type c'est la création du monde, les premiers êtres machin ainsi de suite quoi. Donc les loutres sont parmi les premiers êtres. Ouais, bah oui, peut-être les derniers. Ouais, évidemment. Oui. Mais il y a toute une symbolique en fait du premier jour, du second, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième. Enfin voilà, toi, de la création en fait du monde en plusieurs étapes. Et vous comprenez que ben vous avez aussi six loutres. Et donc qu'il y a sûrement lié à la création de du monde quoi. Enfin, en tout cas, c'est stylisé comme ça. Voilà, bah, je manque pas bien sûr de d'en faire tout un plat, un exposé à mon public, tu vois, en leur faisant bien comprendre que voilà, je suis un être supérieurement intelligent et grâce à ça, j'ai compris que voilà, tout ça, six loutres, six jours, voilà, tout ça, hop, bim, affaire réglée. Et du coup, le dimanche? Bah, le dimanche, il s'est reposé. Voyons, mais ne connais-tu donc pas la légende? Au premier jour, Snorri créa la loutre. Au deuxième jour, Snorri créa une deuxième loutre. Et le dimanche, il fit le poisson. Non, le dimanche c'était champignon. Le sixième jour, il créa le champignon. Le septième jour, bah du coup, il avait la flemme de bosser. Très bien. Bon, voilà, tout le mécanisme, tout ça, et t'entends, vous entendez en fait les portes du milieu là s'ouvrir, voilà, le mécanisme qui se fait, ah. Et qui ouvre les portes, voilà, qui s'ouvre de vers l'intérieur, et vous tombez sur une petite, enfin plus petite en tout cas, pièce qui contient quelque chose qui vous parle un peu. Il y a un genre de... vous souvenez le petit globe dans la... Dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, voilà. Vous avez une version un peu plus petite, vraiment, mais présente ici. Avec ça et... tout autour, en fait, plein de... de métal en fait poli dans tous les sens, enfin voilà. Bonjour. Vous allez bien? C'est du métal poli. Non, le métal poli c'est bonjour. Vous allez bien? Bon, j'ai quand même cherché mon eau parce que okay, comme ça en plus j'ai. Alors, si t'as le cas, vite fait, 2 minutes, hein, même pas. Ouais, bah moi je vais faire pipi. Bah, moi je viens de finir une crème dessert maison que j'ai fait moi-même de mes propres mains. Mais c'est vachement bon. Et je vais recommencer. En plus, c'est facile à faire. Tu vas au supermarché, tu achètes de la crème dessert, tu la mets dans ton bol, du coup, c'est fait main. Non, même pas. Du sucre, de cacao, de la farine et du lait. Et c'est du tout. Du sucre de cacao. Du sucre du cacao, pas du sucre de cacao. D'accord. Une douille. Quoi? Non mais si tu mets de l'andouille dans ta crème dessert, elle va avoir un goût chelou, je pense. Eh bah ça fait un repas. Oui, mais bon, hein. Voilà. Ça passe au même endroit à la fin, non? Et rue, désolé. Oui, bah cet argument-là, tu vas te le resservir un jour, mon cher Xubi, et tu vas le regretter. C'est quoi là le. Ah non, il veut mettre de l'andouille dans sa crème dessert sous prétexte que ça va au même endroit de toute façon. Tu sais, je me suis déjà fait une tartine de camembert Nutella, c'est passé très bien. D'accord. Si tu le dis. Alors, entre 22, 30, c'est combien de temps? Bah, on compte. Voilà, c'est vrai que. Ouais, j'aurais peut-être pu couper. Le temps de faire la petite pause, le temps de. Ouais, tant pis, on fera le live en une seule prise. Là. Donc, bon, après. Ah oui, non, tout le monde n'est pas là encore, je crois. Si, si. Si, ok, d'accord, non, j'ai un doute. Donc, bah, au moment où, t'arrives à tout ça, tu sais, t'as fait toutes tes explications. T'as quand même les deux suivants, hein, les deux marqués. Qui essaye de capter un peu ce que tu dis. T'es pas. Ils comprennent pas pourquoi t'es leur chef, mais bon, bah, vu que. C'est ça, non, mais vu que l'arbitre considère que, bah, apparemment t'es le chef, ils se disent, bon, merde, quoi. Si l'arbitre est juste le commandant et. C'est ça, quoi, mais essaye de suivre. Toi, il y a des petits, tu sais, des moments où les gars se parlent un peu, tu sais, en chuchotement, en disant ouais, tu comprends un truc là, non, mais putain, il me fait chier, ou oh putain, il a l'air d'être. J'ai silence, un geste de la main, tout ça, chut. Ouais, voilà, bah, si tu les arrêtes à chaque fois, toi, tout ça, ils ferment leur gueule, il y a pas de souci, mais bon, mais tu comprends qu'ils sont désappointés. Non, pas désappointés, non. Ils sont pas récupérables. Ils savent pas trop, toi. Ils essayent de comprendre un peu le fonctionnement en fait de ce groupe, de ce chef, de ce commandant. Mais en fait, alors il y a un retour. Je suis désolé, ça fait mal aux yeux, aux oreilles. Non, c'est bon. Non. Non, c'est bon. Non, non, mais j'ai eu un retour à un moment donné, c'est pour ça que ça m'a fait. Donc, je disais quoi Tu disais qu'ils essayaient un petit peu de comprendre le fonctionnement du groupe. Oui. Oui, oui, d'ailleurs, le jour où ils le comprennent, qui nous l'explique, qu'il nous fasse signe, hein, parce que on aimerait bien savoir nous aussi. C'est là qu'un jour ils vont nous sortir une espèce d'analyse, une psychoanalyse du groupe et un truc complètement cohérent. Non, il va y avoir carrément, c'est l'organigramme du groupe et tout. C'est ça. Et ils seront là en mode. Et donc en conclusion, on peut dire que. Alors, pour le coup, voilà, il y a toute cette partie-là, mais en fait, t'as quand même l'explication, tu sais, de la création du monde en 6 jours et tout ça. Toi, ça les impressionne quand même. Hein. Mmh. On va pas. C'est. Toi, ils ont, tu sais, comme je dis, ça reste des fanatiques, c'est le côté un peu mystique. Toi, au moment où tu t'expliques ça, ils comprennent que, enfin, ils se disent quoi, s'ils ont pas affaire à un Claude, quoi. C'est pour ça que c'est moi le chef. Ok, donc bah, vous êtes dans cette salle. La porte de devant semble également de nouveau fermée. Il y a quelque chose. Je vais m'approcher de la porte et voir si je peux pas l'ouvrir. Tu vois que clairement elle va pas s'ouvrir comme ça, mais peut-être avec beaucoup de force. En la forçant clairement, il y a peut-être moyen. Mais j'ai beaucoup de pas force. Tout seul. Ah. Même toi, tout seul. Voilà, il y a un moment donné. Parfait. Ça a l'air d'être portes qui ont été faites bloquer, quoi. D'accord. Bah, je vais pointer les deux clampins. Je fais un signe de tête, on a les venez. Et on va essayer à trois d'ouvrir cette porte en la forçant. Non, mais avant de détruire des objets historiques, on pourrait peut-être voir s'il n'y avait pas un autre moyen. Je me redresse et je fais le. Tu sais, je te suis le signal de la main, c'est après vous. Eh ben, je vais étudier la porte, hein, regarde. Voilà, voilà. Bah, tu comprends que c'est un autre mécanisme. Alors, qui semble en mode fermé, mais tu comprends que devait avoir quelque chose sûrement lié avec l'objet au centre, hein, clairement, faut pas être idiot pour alors pour, est-ce qu'on peut considérer que la porte a une serrure? Pour le coup, non, c'est plus un mécanisme qu'une serrure. Et il est vieux ce mécanisme. Bah oui, vous êtes pas dans un lieu simple. Ok, c'est donc une ancienne technologie, merci. Oui, ce sera une ancienne technologie, je veux. Mais, Célène, tu. Oui. Ton. Merde, t'as. Oui. Ton âme, ton aura, putain, j'arrive pas à trouver le mot. Mon esprit. Esprit. Ton esprit. Si. Oui, non, mais je. Quand ça veut pas. T'as ton esprit en fait qui t'alerte un peu, hein, qui te fait comprendre en fait que c'est vraiment magique et que voilà, ça va pas être simple, quoi. Ok. Du coup, elle peut se moquer de Heinrich et lui dire qu'il est pas sorti de l'auberge. Si tu veux qu'elle fasse, oui, tu peux. Eh ben, c'est fait. Mais voilà, magie est à l'œuvre ici. Vous êtes pas dans la merde. Je regarde par terre, je fais oui, effectivement, oui. Eh ben, je m'installe dans un coin et je vous regarde galérer. Du coup, je regarde quand même autour de moi, genre, ça vient d'où? En fait, t'es pas le seul, en fait. Tu vois qu'il y a les deux pécores. Les deux marqués. Oh merde, il a encore là. C'est ça, voilà, qui ont un coup, tu sais, un coup de flip, quoi. Qui est en train de se dire, mais putain, merde, on est poursuivi par. On est maudit. Ouais, mais ça. Et moi, je suis à côté. Limite blasé parce que ça me surprend même plus. Et il y a Célène qui est là en mode tout est normal. Bon. Qu'est-ce qui est bizarre? On va l'ouvrir cette porte. Si c'est magique, déjà, du coup, ma première question, ça va être en quoi cet objet est-il dangereux? Une porte, il ne l'est pas. La porte en question n'est pas dangereuse. Parlez, amis, et entrez. Ta gueule. Pour le coup, tu comprends clairement que si le mécanisme est mal réalisé, enfin voilà, il y a un truc qui est lié au mécanisme qui activera sûrement des défenses magiques. Parfait, il y a un piège, ça veut dire que je peux le désactiver. Et tu peux même penser qu'il y a plusieurs trucs. C'est peut-être pas le seul piège. Déjà, je vais faire savoir au groupe que attention, là, on commence à atteindre la partie du donjon qui potentiellement est piégée. Donc, je vais prendre un peu de temps pour étudier la salle. Tout ça. Donc, alors, je prends le temps de d'étudier une zone dangereuse. D'accord, pendant ce temps-là, moi je dis hey, fou là-bas, le tequignol, on va reprendre l'entraînement. Ya <Yeah. rire> Ouais. L'esprit qui est content. Allez, mettez-vous en posture. Dit-il en prenant demain sa hache à demain. Donc, voilà, à demain. Dans un premier temps, donc du coup, j'étudie les pièges. Donc j'ai trois retenues. Expertise des pièges, donc tu as fait un succès. Trois retenues. Dépenser une retenue pour poser une des questions suivantes pendant que vous vous déplacez dans cette zone. Alors, on considère que la zone c'est genre le donjon ou. C'est la pièce. Facilité. La pièce, ok. Bon bah écoute. Du coup, C'est un peu difficile parce que c'est toi, c'est l'expertise, c'est que tu étudies le terrain, la zone dangereuse, mais t'as pas encore arrivé sur l'autre zone, donc c'est pour ça. Oui, mais bon, comme j'ai un bout de carte aussi, tu vois, l'un combiné à l'autre. Ok, ouais, vas-y, on va dire que je te. Après, si tu veux pas, tu veux pas, hein. Je veux dire, c'est juste. Non, moi, je pensais ça plus dans le truc. Là, j'ai trois retenues. Si je les claque sur les trois sur la pièce, bah, c'est bon. Voilà, tu vois, c'est. Oui, non, c'est plus, mais. C'est plus histoire de pouvoir étaler le truc et pas te poser toutes les questions. Bon, alors, ton piège, il marche comment? Comment je le désamorce? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la pièce? Non mais c'est pas déconnant que ce soit sur tout le donjon, au contraire. On peut faire ça. C'est très bien. Ouais, parce que du coup justement pour cette pièce là je dépenserai qu'une seule retenue à ce moment là hein, qui est de savoir le piège de la porte du coup, qu'est-ce qu'il fait s'il se déclenche? Qui te transforme petit tas de cendres. Merde, perdu le voleur. Je ne suis pas voleur, je suis archéologue. Question de point de vue. Non. Le point de vue diverge. Verge. Pour le coup. Alors attends. Pof. Je vais te dire ça. Juste. Je retrouve la petite. Mon accord de confidentialité pour le boulot, c'est pas très ce qui est le plus utile. Hein, pourquoi? Je ne pense pas, en effet. Je ne pense pas non plus. Je remarque. Le piège, que... lorsqu'il se déclenche, il se fait signer un accord de confidentialité. Ah, c'est fourbe. Et je t'avoue que ce serait le pire truc pour ton perso, en fait. Parce que là, c'est en mode j'ai trouvé un super trésor, mais je peux rien dire. Il le fait pas déjà, ça? Oui, ça fait qu'il recherche quand même la renommée. Il dit des choses, mais il dit pas la vérité, c'est ça la nuance. Là, il ne pourrait rien dire. Là, il devra dire la vérité. Si je dis la vérité, tu sais pas que j'ai menti. Alors, vous voyez le livre qu'on a ramassé? Alors, tu vas me lancer un D20, tiens. Allez, on va savoir quel piège tu vas avoir. Il le force à dire la vérité. Non. Ah bah clairement, ça c'est un piège que je vais désamorcer du coup. Hein. Ok. En fait, ça va être. Tu comprends que le piège c'est un piège un piège magique. Tu remarques que la porte en fait est ciselée. Enfin, il y a tout un truc de ciselé dessus qui est encore l'explication par exemple du septième jour et tout ça. Dans un jardin, vous voyez la personne qui a créé apparemment un dieu en train de manger un champignon et dans une forêt et tout ça, et tu comprends qu'en fait les lierres ou les ronces et tout ça qui sont stylisées en fait pourraient devenir de vrais liens, de vraies ronces en fait. Voilà, il pourrait y avoir un changement d'état de la porte en fait. Ok. Du coup, je pense que je vais désamorcer ce piège. grâce à mes nouvelles compétences que j'ai acquises quand j'ai pris un niveau. Ficelle du métier. C'est con, hein. J'aurais tellement voulu que tu que vous la, la forciez. Alors quand vous crochetez une serrure, vous faites les poches de quelqu'un. Donc 2d6 plus dex. Donc tu as fait un 9, succès partiel. Vous y parvenez, mais le MJ vous laisse choisir deux options parmi suspicion, danger ou coup. Alors ouais, c'est cool, mais de à quoi ça correspond ça? Bah, suspicion, genre tu déclenches une alerte, danger, ça te pète à la gueule, et coup, sois créatif. C'est le MJ. Oui, non, mais je suis en train de me demander s'il y avait, tu sais, s'il y avait un truc spécial de ton perso avec ces trucs-là. Non, là c'est vraiment juste, voilà, c'est parmi les trois trucs. Tu m'en proposes deux et je dois en choisir un. D'ailleurs, à suspicion, soit voilà, il y a cette une fameuse alarme qui s'active. Tu ne sais pas de quoi moi, comment, quoi. Et en coup. Un coup, en fait, c'est plus tu ouvrirais cette porte. Ouais. Mais ça déclencherait le mécanisme pour fermer celle de derrière vous, là. Clairement, oui, bah ça, hein, voilà. Hop, j'ouvre cette porte-là et l'autre se ferme, nickel. C'est... Oui, non mais, putain, c'est tellement Heinrich Fuchscroft, ça. Ok, donc tu arrives à ouvrir la porte, elle s'ouvre, c'est même un peu, elle s'ouvre un peu bizarrement parce qu'en fait c'était un mélange de plusieurs entrelacs en fait de métal en fait. Ouais. Qui s'ouvre sur les côtés quoi. Et pendant que celle-ci s'ouvre, en fait, vous entendez les portes de derrière se refermer et entendre le claquement de la porte et genre tu sais le verrou quoi, qui se referme quoi. C'est le je me retourne du coup et je fais bon bah le point positif c'est qu'on se fera pas déranger. Voilà, allez, en avant. Du coup, je repasse par devant. Alors, du coup, là, on arrive dans une grande pièce, ce que je vois. Voilà, c'est de nouveau une grande pièce, mais qui vous entendez en fait de l'eau en fait tout au fond. Enfin voilà, vous voyez avec la. Votre torche, il y a clairement de l'eau, peut-être une infiltration qui a amené à de l'eau ici et qui croupit peut-être depuis quelques dizaines d'années. Je suppose qu'elle est pas très profonde du coup. Première vue, non, vous pouvez sûrement marcher dedans sans aucun souci. Vous comprenez que que c'est plutôt droit hein, là où vous êtes. En tout cas, vous n'avez pas une impression de. Et vous avez à votre droite et à votre gauche des nouvelles portes qui sont fermées. Alors c'est des portes classiques, hein, pas les genre les deux grosses portes que vous avez eues là. Mais moi je suis curieux de cette eau, donc je vais aller à gauche, je pense. Ouais, non, mais moi pareil, là de l'eau comme ça, ça m'intrigue du coup. Et je vais ouvrir la porte à gauche. Mais je vous suis. Ok. Avec la porte, vous allez un peu la galérer à l'ouvrir. Hein, elle a, enfin le bois pour le coup a tenu, mais a gonflé en fait. Voilà, donc un peu galéré à la. Vous allez peut-être même y aller un peu en gros bourrin, mais vous ouvrez quand même la porte sans aucun souci. Et vous arrivez à un endroit où, enfin, vous faites un peu arroser quand même les pieds. Vous voyez qu'il y avait, la porte retenait quand même de l'eau. Donc vous avez quand même de l'eau, enfin, on va dire au-dessus des pieds, quoi, hein, clairement. Et dans la pièce, en fait, bah, c'est humide de partout. Vous voyez que ça a l'air de suinter un peu sur les bords du. C'est de l'infiltration, quoi. Première vue, ouais, ça peut donner l'impression, ouais, d'infiltration. D'accord. Alors, bon, bah, je vais rentrer dans la pièce, je vais voir ce qu'il y a dedans. Attends, hop. J'ai un doute sur un truc. Donc ouais, donc en face, tu arrives dans la pièce. En face, tu as une porte, de nouveau une nouvelle porte en bois, mais superbement ouvragée. Vraiment un bel ouvrage du même niveau, en fait, du même niveau que les colonnes que vous aviez à l'entrée. Un peu endommagé par l'eau sur les voilà sur le bas, mais qui semble bien présente, bien là, quoi. Enfin, d'accord. Enfin, tu vous pouvez penser que c'est quand même c'est un vrai travail d'orfèvre, quoi. Ce que vous avez en face, quoi. Du coup, la porte en elle-même, je veux dire, c'est quasiment un trésor en elle-même, quoi. Oh. Si on prend la porte avec nous. Bah, tu te démerdes, tu te la gaufres tout seul, la porte. Hein. Déjà, je vais inspecter la porte pour voir. Bah, elle est verrouillée, je peux l'ouvrir. Est-ce que. Voilà, c'est. Tu disais c'est une porte en bois, c'est ça, donc, Ouais. C'est, tu vois que c'est verrouillé. D'accord. Il y a un mécanisme, hein, voilà, tout ça. C'est quand même verrouillé. C'est vrai qu'après, j'ai pas expliqué, mais toi, ce que vous avez au-dessus, enfin. Là, vous êtes sur la partie 1, hein, le 2 et le 6, en fait. C'est des. Ça fait un peu des puits, un peu, tu sais. Un peu plus bas, en fait. Vous avez une. Pas une meurtrière, mais. Pas loin, en fait, qui permet, en fait, de regarder un peu d'au-dessus, mais. C'est. Ça fait en plus pas un puits, mais comment je peux expliquer ça, une salle en fait que vous voyez d'au-dessus, en fait, et vous remarquez qu'il y a de l'eau également dessus. Et ben je pense que c'est l'heure de dépenser une deuxième retenue pour te demander y a-t-il un piège ici, et si oui, comment se déclenche-t-il? Est-ce qu'il y a un piège? Eh bien, tu comprends, en fait, qu'il y avait un piège et j'ai bien dit, je dis bien il y avait en fait, parce que il semble déjà avoir été peut-être enclenché en fait déjà. Intéressant. Voyez-vous, cette porte-là était également piégée, mais il semblerait que le mécanisme a déjà été déclenché. Ah bon ? Nous ne sommes donc pas les premiers à venir jusqu'à... Eh ben, à cette nouvelle, moi je vais étendre mon esprit et essayer de capter si des lignes de vie passées. Avec ma vision spirit. Ta vision spirit. Alors ta vision spirit, est-ce qu'il y a un jet de dé à faire ou pas, ou oui. Je ne sais plus. Oui, ben je te laisse. Enfin, il y a ça. Non, action de départ, non. Bah, du coup, ouais, discerner la réalité. Mm-hmm. Coup, voilà, discerner la réalité. Donc, ouais, tu fais l'action discerner la réalité. Ouais, ce serait voilà. Une partie Nopex. Hein. Double quoi, 6. Non, non, non, ce serait une partie Pex. Hein, c'est juste qu'on va pas gagner des Pex avec nos échecs. C'est ça. Donc, quelles sont les lignes de vie? Que s'est-il passé ici? Ouais, t'as 3 retenues, donc ouais. T'en as tout ça. Je t'en ai 2. Bah, au pire, je crois que tu peux en garder de côté, tu peux en mettre de. Ouais, bah, je vais te demander déjà ces deux-là. Ouais. Alors, sur les lignes de vie qui se trouvent autour, ton esprit va t'expliquer que. Et comprend pas trop en fait. D'un côté, elle en voit pas. Toi, elle ne voit pas de ligne de vie d'humanoïde. Mm-hmm. Mais elle voit en fait ce qui apparente aux lignes de vie, mais plus un souffle magique en fait. Mmh. Alors pour ceux qui ont fait la première saison, clairement c'est quelque chose que vous connaissez. Enfin voilà, c'était le fameux les souffles sortis de la porte de Baladur. Ouais. C'est un peu le principe. Donc voilà, c'est plus une c'est une cycle, une ligne de vie, une ligne de, un peu de tellurgie, enfin voilà. Mmh. Donc, donc t'as ton esprit, te dit, bah voilà, il y a pas l'air d'avoir d'âmes qui vivent, mais il y a quelque chose d'autre. Ouais, la vérité est ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, tu comprends avec l'explication de ton ami Heinrich que bah, qu'un piège ouais, a été activé et semble avoir clairement touché quelqu'un. Parce que tu remarques une chose qui t'est peut-être passée un peu inaperçue, c'est peut-être une vieille trace de sang sur un des murs, genre une main. Et tu comprends que celle-ci, en fait, est. Qui a une petite. On va faire avec ça. En fait, tu as des traces en fait, qui partent par là, en fait, à l'opposé. Tu penses que il y a une personne qui a été touchée par le piège et qui s'est enfui assez rapidement, enfin voilà, a essayé de se barrer de cet endroit. Ouais. Donc bon, c'est. Je suis en train de chercher. Non, je pourrais pas te dire plus en fait. Ok, bah du coup, Célène, elle va trottiner en suivant les traces. splash. Non, pas splash. C'est plus splash. Ça passe pas inaperçu, quoi. Splash. Coucou, splash. Tout à fait. Exactement. Bon, bah, moi je ne vois aucune raison de ne pas essayer de forcer cette porte si le piège a déjà été déclenché. Donc, en avant. Ok, et là j'arrive, je mets un gros coup de botte dans la porte. Mais non, la porte c'est un trésor en soi, non, il faut la forcer, mais doucement, comme ça on peut la récupérer non, quand même. Non, mais c'est trop tard. Ah, d'accord. Bah, tu vois que t'as donné un coup dans la porte, tu vois que t'as tapé à l'endroit où il y avait un peu la. T'es souhaité. Pardon. Vous comprenez que voilà, tu t'as tapé dans l'endroit où c'était mouillé et tout ça, tu sens en fait que tu. T'as ta botte qui traverse moitié en fait le. Enfin, toi, tu traverses pas le, oui, le bois, mais qui rentre dedans. Qui reste dans la porte, quoi. Tu viens quand même d'exploser un. Je sais pas, c'est peut-être une image d'un cerf. Ça va tant que c'est pas la loutre. Mais voilà, c'est un truc très. Enfin, voilà, un animal. T'as la botte qui est un peu dedans. Tu vas galérer à la ressortir, quoi. Tu merde. Ah, scheisse. Je vais faire la partie de Selene. Tac. Après, on reviendra de votre côté. Comme ça, c'est plus simple. Donc ouais, Selene, tu vois que là, elle amène jusqu'à là. Tu vois quelques traces. C'est des trucs qui ont un peu, voilà, qui ont vieilli. Hein. Tu vois que c'est des vieilles traces de sang. Si ton esprit n'avait peut-être pas fouillé, regardé pour toi, c'est vrai que vous êtes tous passés à côté sans trop faire attention. Ça aurait pu passer pour des tâches, voilà, tout simplement, quoi. Donc, tu vois qu'il y a cette porte là qui ne semble pas fermée, clairement. Enfin voilà, elle est en tout cas pas verrouillée. Du coup, je vais essayer de l'ouvrir. Ouais, tu trouves sans trop de problèmes et t'arrives dans une pièce qui est un endroit où t'as des là, je veux dire, sur chaque recoin en fait. Tu as une statue et devant la statue en fait un tombeau, quoi. Ok. Tu comprends que ben voilà, il y a les statues doivent sûrement représenter la personne qui est dans le tombeau. Tu remarques que ça a l'air d'être personnes un peu plus assez anciennes. Enfin, ont tous un certain âge en fait. Vraiment, c'est ça fait penser un peu à des prêtres, à des sages, à des personnes un peu de style là. Je vais les regarder d'un peu plus près une par une, voir si je trouve un indice. Un indice. Ouais, un indice. Quelque chose de remarquable. Bah, en regardant, tu remarques tous un point commun à tous en fait. Ils ont tous un bâton qui est toujours le même, qui est un bâton tout simple. Toi, ils ont tous des fois des grosses, enfin, ils ont tous des choses un peu qui dénotent un peu de l'importance, tout ça, enfin, ou de la richesse. Sauf que ce bâton est un bateau vraiment. Genre, ça fait un peu bâton de marche assez grand sur lequel ben, certains se reposent, d'autres mettent en avant. Mais voilà, mais la forme du bâton est toujours le même, toujours un bâton un peu ondulé qui finit en fait par se recourber un peu vers la personne avec une, tu sais, un peu un nœud, toi, de bois, quoi. Le bâton de Gandalf. Non, pas à ce niveau-là, parce que le bâton de Gandalf est encore, je pense, encore trop. Trop bien réalisé, quoi. Là, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment, ouais, le bâton de tous les jours, quoi. C'est genre, il l'aurait pris à côté, enfin, en bas de l'arbre, c'est tout, quoi. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. Bah, du coup, je vais retourner vers la porte et là, je vais crier Edrich. Oui. Et j'attends qu'il arrive. du coup, j'arrive. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi? Ça. Alarme! C'est quoi? Ça. Oui, non, mais du coup, c'est quoi ça? Bah, je lui montre le bâton. Les quatre bâtons du doigt. Rapin. Alors, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Que Doudou, dis donc. Doudou, dis là. Et là, il y a Céline qui a vraiment la tête complètement confiante. Elle est sûre qu'il va trouver la réponse. Elle n'attend que ça. Mais bien sûr que je vais trouver. Et la... du coup, t'as l'esprit qui. Bien sûr que je vais trouver une réponse. Et l'esprit qui se marre. Et qui attend. Alors. Non, mais bien sûr que je connais la réponse. Voyons, hein. C'est forcément un rapport avec le totem du basilic, la loutre, tout ça, les bâtons, ça doit forcément signifier quelque chose, tu vois, tralali, tralala. Et t'as les assurances. Et sinon, il y a aussi des traces de sang qui sont vieilles et qui viennent jusqu'ici. Et qui ont démarré de l'autre pièce où vous étiez. Clairement, tu comprends que les traces de sang continuent par là. Voilà. Ok. Succès partiel. Non, je te dis, c'est la séance Nopex. Hein. Le MJ vous indiquera juste quelque chose d'intéressant à vous de le rendre utile. On parle des bâtons, hein. Ouais. Oh. Ah ouais. En fait, tu remarques un truc qui t'est peut-être passé inaperçu par Célène. Tu remarques que sur le haut du bâton, à chaque fois là, sur un peu là où je dis, il y a un peu le nœud du bâton, tout ça. Une rune qui est une rune druidique. Ah, les feux, toujours les druides. Qui est une rune druidique je sais pas, est-ce que tu serais capable de comprendre le druide, en fait, le druidique, je suis pas sûr. Je veux dire, de toute façon, le MJ vous indique quelque chose d'intéressant, à vous de le rendre utile. Voilà. Bah, c'est des runes druidiques, point. Ça fait oui, ton non, taf. Mais c'est ça, j'étais en train de réfléchir si tu le savais, si tu pouvais comprendre, mais en fait, oui, ce sera très bien. Mais je sais parfaitement comprendre le druidique, hein. Et puis, je veux dire, les autres, ils en savent rien, tu vois, c'est... Attends. Bien sûr que je sais de quoi il s'agit, voyons. Ce sont des druides. On peut voir ça grâce à leurs runes druidiques sur leur bâton. Qu'est-ce que ça dit? Saltations, Vogeur. J'ai perdu ma pipe dans la comté. Pouvez-vous la retrouver? Voilà, voilà. Bah, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Bah, disons, ah, mes connaissances en druidique sont un petit peu, poussiéreuses, donc il va me falloir quelques instants quand même pour. Pendant le temps qu'il réfléchit à ses runes, moi je vais aller du coup dans la direction qu'on mène les traces. Ah, je vais peut-être vous accompagner, juste au cas où qu'il y ait quelques dangers au bout de ces traces de sang, ma chère. Donc ouais, vous lâchez donc ces runes. Ces statues avec les runes et tout ça. Vous ouvrez facilement, voilà, y a rien qui... La porte n'était même pas fermée, hein, elle était moitié entrouverte. Ouais. Vous arrivez à passer la porte et voilà, vous remarquez que c'est encore ce qui aurait pu passer pour un lieu en fait de culte encore, toi, un petit truc quoi, mais au milieu vous découvrez un corps. Dans quel état? Voilà. Ouais, celui-là. Alors, dans l'état où il semble avoir reçu, il y a des restes, vu que l'état du corps est dans un état avancé. Disons qu'il est, bien avancé quoi. C'est, je veux dire, il y a du, c'est que, enfin, voyez les os quoi, mais. Pas non plus complètement, enfin voilà, c'est un peu, c'en est pas loin quoi. Et bien momifié, c'est ça. Vous remarquez en fait qu'il a une main en fait un peu sur son ventre, et clairement il y a des carreaux en fait. Vous voyez qu'il y a deux carreaux en fait. Dans son ventre, à droite, enfin tu es un peu à droite et un peu à gauche, enfin voilà, c'est clairement le le piège. Pardon, je sais ce que faisait le piège. Clairement, c'est sûrement le piège, voilà, la personne qui avait activé le piège. Et vous remarquez une clé dans son autre main. Voilà. Je prends la clé. Moi, je me recueille devant et j'espère que son esprit a bien su trouver la voie. Oui, bah fais donc ça. tu fais une petite... Une petite prière. Une petite prière, c'était ok. C'était quand même une mort violente. Ok. Vous voyez également un peu plus loin le... Enfin... qu'il a, enfin un peu plus loin, non, qu'il a sur lui des restes de genre de bracelets en métal ou qui ont eux également des runes druidiques. Voilà. Je prends. Il pique tout. aussi les carreaux, genre ils seraient compatibles avec mon arbalète, tant qu'à faire. Parce que lui, il en a plus besoin. Je sais clairement, pas si ça va être très utilisable. C'est des carreaux basiques. Après, voilà, il date, commence un peu à dater, hein, les carreaux. Donc, tu ne sais pas si tu tires avec, s'ils vont te péter à la gueule ou s'ils vont partir. Mais tu peux les prendre. Oui, bah qu'il les garde alors. Moi, je vais te poser une question pour voir si tu penses que ça peut aller avec avec mon discerner la réalité. C'est voir si j'arrive à j'ai pas envie de dire deviner, mais connaître l'identité qu'il était de son vivant. Est-ce que mon esprit peut trouver ce genre d'information? Ce que je veux dire, Ouais, non, mais je réfléchis en fait à la possibilité ou pas. Je te laisse le choix en fait, un truc. Soit elle n'y arrive pas, voilà, elle te dit qu'elle n'a pas la capacité. Soit elle en a la capacité, mais c'est quelque chose qui te demande en fait d'aller dans un autre lieu, un autre temps, enfin voilà. Ce serait sympa de le faire, mais peut-être plus tard. Et en fait, mais non, mais le truc c'est que voilà, elle te dit voilà que son esprit doit aller faire autre chose, enfin voilà ton esprit doit aller ailleurs, et que tu l'auras plus jusqu'à la fin de la séance. On peut faire ça. Moi ça me tente. Sachant que la fin de la séance n'est pas non plus dans très longtemps, dans tous les cas. Ok. Donc ça te met quand même un gros handicap. Hein. Je sais pas, parce que t'as beaucoup de choses qui est liées à ton. Je pense spirit. Que ça peut être intéressant pour la suite de ce qu'on va faire, donc autant le faire. Ok. Donc, bah voilà, bah vas-y, vas-y, explique un peu comment elle disparaît, enfin comment. Est-ce que c'est un peu cinématographique ou pas du tout, enfin, je sais pas. À mon avis, pas du tout. C'est plus que moi, je sens qu'elle n'est plus dans l'instant présent. Et je l'imagine bien faire... Allez, salut les bolosses. Elle s'en va. Ok. Très bien. Bon, bah en attendant, les deux bourrins, vous faites quoi? Avec leur porte. On va tout de suite, les bourrins. Bah, comparé aux deux autres, vous êtes plus bourrin que... Ouais, Torgnol et Mandal, là, hein. qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je vais simplement essayer d'enfoncer la porte avec mon épaule, parce que visiblement, donner des coups de pied dans la partie pourrie, c'est pas une bonne idée. Donc, je vais donner un coup d'épaule dans le... Enfin, je vais plutôt pas essayer de donner un coup, mais je vais genre presser contre la porte pour essayer de faire sauter la serrure doucement. Tout à l'heure, j'ai regardé le lien que j'avais avec toi. J'avais oublié le lien concours de bites. C'est dommage, je crois que tu vas le perdre celui-là. Ok, Klaus, toi, c'est plus vers quoi tu. Bon bah je vais mettre enfin pendant que je le vois essayer de pousser qui s'apprête à pousser la porte c'est un double battant ou il y a qu'un seul battant, j'ai pas fait attention C'est une double porte. C'est vrai que j'ai pas précisé mais c'est bien une double porte. Je me mets sur un bout de porte d'espace libre par rapport à l'épaisseur de notre cher ami. Et puis je vais pousser aussi. Ah, clairement, hein, vous avez la possibilité, hein, comme j'ai expliqué, ça reste des portes assez grandes hein, quand même, hein, de façon générale. Ok, ben faites-moi tous les deux un jet de force quoi. Non, moi je vais faire un jet de aide ou gêné, plutôt. Alors, pour l'aider ou pour le gêner? Ah non, mais faut savoir. C'est justement la question que je me pose. dans l'optique du personnage, avec le concours de bits, ce serait pas pour l'aider, ce serait plus pour le gêner en fait. Ok. Moi, y a pas de soucis. Hein. Donc, on va commencer par celui-là alors, parce que ça aura un impact sur celui-là de l'arbitre. Lien, il y en a un. Submit. Ah, moins deux. Moins deux. Ok. Fuck you. Ah, fuck. Oui, ça fait 10, donc ça fait 10 plus. C'est quand même un succès complet. C'est quand même un succès complet. Putain, mais en plus d'être mauvais perdant, t'es un mauvais, mauvais perdant. Alors, là je vous laisse. Explique-moi un peu la méthode que t'essayais de l'emmerder et comment. Comment toi, l'arbitre, t'as évité ça? Expliquez-moi un peu la scène, quoi. Tu vois, je me suis mis à côté de lui pendant qu'il poussait. Alors, j'ai essayé de prendre un peu de place aussi en faisant style, je vais l'aider pour pousser aussi, tu vois. Tout en poussant, évidemment, parce que s'il y arrive, il faut bien un petit peu que j'ai un petit. Moi aussi, tu viens en disant, ouais. C'est parce que je suis là. J'imagine tellement que le gars, il fait semblant de pousser tout en essayant de gêner, et en fait, du coup, il y a que mon battant qui part, tu vois, et le sien, il reste. Je pense que les deux battants vont s'ouvrir, mais tu vois, tu vois qu'il y a une petite, un petit jeu d'épaule. En sachant que bon, je, tout ça, mais il y a encore les deux autres. Hein, n'oubliez pas, vous êtes toujours suivis par les deux marqués qui voient un peu ça, quoi. C'est ça. Se pose peut-être des questions ou... Mais on ouvre la porte. On a réussi. Oui, non, la porte va s'ouvrir, mais voilà. Donc je vois un peu le truc. Et toi, de ton côté, l'arbitre, tu... Je sais pas si... Je sais pas s'il va le remarquer. C'est... Comment dire? Tes interruptions étaient tellement insignifiantes. D'accord. Non mais voilà. Ouais, c'est... Je pense que je vais partir là-dessus. C'est genre, c'est au vu du jet de dés, voilà, c'est fonctionnellement ça a rien changé en fait. Du coup, ouais, ok. C'est au pire, c'est un peu en mode ouais, il s'y prend pas très bien pour m'aider, tu vois. Dans ce genre là. Oui, c'est en fait tu prends pas sa gêne pour de la gêne, mais pour en fait de la compétence. C'est ça. Ok. D'accord. Bah, j'étais mal pris sur mes appuis, c'est tout. C'est ça. En même temps, t'as vu la place que tu prends au bout d'un moment. Donc tu vois qu'il y a les deux là, les deux marqués qui chuchotent un peu vite fait entre eux. Et qui toi ils sont toujours là, hein, ils sont toujours en mode ça reste des guerriers, tu vois, qui protègent la porte, tu sais, pour sortir, enfin toi ils sont quand même vigilants, quoi, mais voilà, il y a des petits regards, des petites discussions entre eux en mode tu sais, enfin faut comprendre en fait qu'ils sont en train de créer la légende en fait un peu dans leur tête, en mode tiens l'arbitre a facilement réussi, enfin voilà, à passer la porte et il y a eu un petit frittement avec le chasseur, mais enfin voilà, l'exécuteur, voilà, il y aura sûrement des choses qui se feront liées à ça. Très bien. Pardon. Donc là, la porte s'ouvre, tu es encore dans une pièce où il y a de l'eau, hein, vous avez toujours de l'eau dans ce coin-là, donc c'est encore, tu sais, moisi un peu, enfin, il y a moisissure, tout ça, ça sointe encore, sauf qu'en face, vous voyez que il y a un premier niveau de marche et voilà un deuxième niveau, et en face de vous avez une sorte de trône, mais un truc tout simple, hein, voilà, et dessus il y a, vous savez pas si c'est, enfin là d'où vous êtes, vous savez pas si c'est une statue ou une momie ou quelque chose comme ça, quoi. Avec dans sa main droite un bâton et dans sa main gauche il semble tenir quelque chose d'autre. Je vais m'approcher de la momie, enfin de la statue, je sais pas trop. Je serai toi, je ferai tout de même attention, cher ami. Ok. On va voir ça juste après. On retourne sur l'autre groupe. Pendant ce temps, Kuln Dew. Donc, que faites-vous de votre côté? Vous avez récupéré un peu les choses là sur le corps. Il a plus rien sur lui, là, le mec. Hein. Non, il a vraiment pas grand-chose. Hein. Tu comprends en fait que c'était pas un démuni, mais c'était quelqu'un qui vivait de peu, clairement. Oui, non, mais c'est bon, j'ai les bracelets, j'ai la clé, je me casse. Très bien. Visiblement, les trucs importants, ils sont de l'autre côté. Hein. Non, les trucs importants, ils sont derrière les portes piégées. C'est juste, on met pas des portes piégées pour rien. Rien, tout à fait. Bon, moi, de mon côté, mon esprit est parti chercher l'info, donc voilà. Oui, bah, tu peux faire autre chose, hein. T'es pas bloqué à attendre. Non. Bon, à part lui dans la pièce, il y a rien d'autre. Non, comme j'expliquais, c'était. C'est fait un peu, tu sais, lieu de culte. Pas très. Enfin, voilà. Il y a peut-être des. Comment. Ça fait un peu. Merde. Un peu, tu sais, les canopées, tu sais, des Égyptiens, où il y a peut-être des cendres, ou peut-être d'autres trucs, je sais pas trop, en fait. Mais voilà. Ça fait un peu style. Voilà, un peu style des canopées des Égyptiens. À droite, des canopées, à gauche, des canopées. Derrière nous, la porte d'entrée. Voilà. Donc moi je sors de la pièce vu qu'il y a rien d'autre. Ouais, mais tu est-ce que tu suis Fouscroff pour aller de revenir de l'autre côté? Oh ouais, hein. Lentement mais sûrement. Ok, d'accord. Bon, en gros, au moment où vous arrivez en fait à la porte là, c'est le moment en fait où toi, Arbiter, tu montes la première marche. Mm-hmm. Et bah, à ce moment-là, j'en profite juste pour gueuler. S'il y a un truc avec une serrure, j'ai une clé. À ce moment-là, je sens qu'il y a les deux, ils vont juste regarder la porte qui a été forcée. C'est un moment. Ok. Donc, au moment où tu mets le pied sur cette marche, tu as un gros une sorte de gros courant d'air en fait qui fait vaciller vos flammes et tu as la chose qui était sur le trône qui a l'air de se relever. Ah, c'est tout le totem, c'est tout le totem, c'est tout le totem. Mais oui, c'est tout le totem. Ouais, tout le totem. Vous m'avez demandé le tout le totem, je vous mets tout le totem. Bien. C'est juste que je suis en train de rechercher le. C'est cool, on a des portes piégées et tout le totem. C'était quoi? C'était une liche, c'est ça? C'était une liche, ouais. Ouais. Ok, voilà, bon bah j'ai le truc de la liche. On va mettre juste une autre. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il peut faire un peu ouais, en fait, j'ai pas de truc qui fait bien. J'ai pas le temps de chercher d'autres musiques. Donc... C'est pas grave, tu la chercheras pour la prochaine séance. Moi personnellement, je suis crevé. Ouais, vous voulez qu'on arrête ici ou... Il est 23h30. Donc avant de lancer un combat, moi je dirais que oui, parce que si on lance un combat, on en a ouais pour une heure encore. Hein. Ok. Juste pour le coup, il y a un moment donc voilà où tu mets, juste pour terminer un peu le cliffhanger, la scène, au moment où tu mets le pied sur le truc, t'as la momie qui se relève, et ses yeux brillent d'un vert émeraude, et vous entendez en fait résonner, en fait la voix vient de partout. Vous entendez qu'on a pas qui réveille la liche Tultotim, qui vient profaner mon lieu. Heinrich Fuchscroft, pour vous servir. Alors non, je sers pas les liches moi. Hein. Ça sera un autre personnage. On va perdre l'arbitre hein, pour info. Ouais, l'arbitre qui. Et qui va revenir incessamment sous peu. Ah merde, connexion. Ok, problème de connexion. Bah c'est pas grave, de toute façon ça va être la fin. Mais voilà. Donc voilà, vous avez votre tout team. Voilà, c'est bien. Et 4 qui devrait revenir justement pour la prochaine session, donc tout va bien. Fin de session. Oui, ça sera de fin de session. Franchement, comparé à la dernière partie, on a tous pecs comme des bâtards et là on a que dalle quoi. Ouais, il y a la fin de session encore, hein. Je veux dire, voilà. Il y a. Moi, je sais qu'il y a un lien. Il y a un lien. Il y a peut-être moyen là. Suivant de ce qui va être dit. Note les trucs. Alors, nous avons. Si vous le voyez hein, sur le. En attendant, enfin. Dites-moi quand Arbiter revient. Je prends juste vite fait les petites notes des choses que j'avais pas eu le temps de noter. Tac. Donc on avait ton esprit qui est parti interroger. Donc tu voulais savoir qui est cette personne, hein, c'est ça hein. C'est ça. Au moins avoir une idée de son identité, un lieu où je pourrais donner l'info qu'on l'a retrouvé, qu'il est à tel endroit et qu'il ne faut plus l'attendre. Tac. Et... La liche. Tout le team. Oh, c'est bien si vous avez tout un truc avec cette liche tout le team que je ne sais même pas d'où elle vient. Je me souviens un peu. C'est juste une séance. Juste pendant une partie de Force the King, j'étais en train d'expliquer un truc et j'ai fini avec tout le tout team, tu vois, c'est on fait ci, ça, tu vois, et tout le tout team, et on est en train de combattre des morts vivants, et Takzumi qui a fait, voilà, il est là tout le tout team, et voilà, c'est comme ça, et là j'étais là, non, c'est trop beau pour pas le sortir dans Dungeon World, ça donc. Ah bah voilà. Oui, c'est clair. Après tout en camon, tout le tout team. Voilà. Ouais. Ah bah je viendrai jouer à For the King un peu plus souvent avec vous, dis donc. Ah oui, non, bon, on se prend. Elles sont très très drôles, nos parties de. Ah oui, c'est un peu comme les parties de Dungeon World, ça part en cacahuète assez rapidement. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti sur cette première partie de. Alors oui, après on a joué en mode facile. On a mis en mode normal, on s'est pris une branlée. C'est clair. On n'avait pas joué en mode facile. On a autour 3 quoi. Si, on n'était pas en mode normal, on était en mode facile. En mode facile. Ouais. Après, non, mais le mode facile, il est vraiment très très bon pour découvrir le jeu. Tu vois, il y a quand même suffisamment de tension pour qu'il y ait une possibilité d'échec à un moment. Mais c'est pas non plus genre, ouais, tiens, bim bam boum dans ta gueule, t'as le temps de voir tout ce qui se passe, quoi. Ouais, parce que en mode, là, dans le mode où on a joué, on avait 6 ou 7 vies possibles. Et en mode ouais, normal, ouais. C'est 3. Et voilà. Les 3, on les a claqués en un quart d'heure. Bah déjà tu vois on sortait du mode facile donc on est allé à poil genre YOLO on a YOLO dans un donjon et puis voilà on a claqué notre vie dans le donjon après arriver donc, on saura pour la prochaine fois bon bah il faut pas YOLO dans le premier donjon qui passe par là. C'est clair. Bon, on reprend. Bah, je sais pas, il est toujours pas là, hein. Mister Arbiter. Parce que moi, je suis pas contre, hein, mais un peu plus difficile de faire les XP et les trucs de fin de session avec tout le monde. Si tout le monde n'est pas là. Mais tu n'es pas là. Dans tous les cas, un peu plus. Dans tous les cas, on peut peut-être déjà faire vite fait les trois questions de fin quand même. Mm-hmm. Ça, on peut le faire ensemble. Enfin, bah oui, c'est vite torché surtout. Voilà, ça va être vite torché. À nouveau, avons-nous appris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde? Ah bah oui, tout à fait. Nous avons appris des nouvelles choses sur le mythe de la genèse du monde. Et le poisson ne sert à rien à part peut-être lancer le jet d'eau dans les toilettes. Le mythe de la genèse du monde. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est potentiellement important, mais bon, si tu veux. Ah, pour le nain qui est là-dedans aussi, hein. Oui, mais est-ce qu'il fait partie de notre groupe? Non, alors non. C'est pas important. Tac, ok. Donc ça sera un XP. Avons-nous vaincu un ennemi ou un monstre remarquable? Bah non. Mais pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Pour le coup, non. Mais oui, ça ne saurait tarder. Et vous allez avoir mal. Je le dis tout de suite, je crois que la liche elle fait mal. Donc Oui, bah en même temps, on l'a demandé, donc... Ah, mais vous l'avez demandé, moi, je... C'est pour ça que je dis, c'est pas ma faute. Tout ça pour un jeu de balle, hein, quand même. Est-ce que je regarde? Ouais, fait mal. Ouais. Non, mais en même temps, ce serait pas la première fois que nos jeux de moins de balles se retournent contre nous, hein. C'est clair. C'est un petit peu le principe de la campagne. Avons-nous trouvé un trésor mémorable? Non. Attends, je suis tombé sur une vidéo marées de Saint-Malo avec la tempête. Ouais. Ah oui, bah là... Les vagues qui viennent taper sur les brise-lames, elles montent à 3 étages. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Moi, je... Ah, 4. je me dis un truc, hein, par exemple, à Granville, je pense que ça doit être pas mal non plus. Oh. Putain, mais c'est ouf. Bon, pardon. Oui. Bon, Mr. Arbiter. Mais il est plus connecté en téléphone, donc il devrait pas tarder. Ouais, je le vois là, il vient de passer en vert sur le truc. Ouais, il vient de passer en tout vert là et tout. Donc... Ça y est, il révèle sa véritable identité de martien. Voilà. Et le voilà. Ok, ouais, désolé. Il est de retour. Ça y est, tu t'es tiré de la prison. On s'est permis de faire les trois questions de fin. On a conclu le seul truc qui rapportait de l'XP, c'était avant-nous. Appris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde, rapport au mythe de la genèse, avec les loups qui étaient les premiers êtres, tout ça. Ok, non, bah pas de problème. Ouais. Et c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Sinon, tu étais au courant qu'on vient de tomber sur, sur tout le tout team, hein. On est d'accord. Oui, bien sûr, oui. Okay. Voilà, c'est juste ce truc à savoir. C'est le cliffhanger. C'est le cliffhanger, mais on est d'accord. Mais au moins, voilà, on est bon. Ah, okay. Ok, alors quand finissez une session de jeu dans une soirée, si vous pensez qu'un de vos liens est résolu, vous en avez fait le tour, il n'est plus pertinent ou autre, demandez au joueur du PJ lié au vôtre s'il pense de même. Si c'est le cas, marquez un XP et créez un nouveau lien avec qui vous voulez, si vous le voulez. Donc on va commencer par Arbiter. Tiens, hop, allez, on va commencer comme ça. Il y a en lien, j'ai que je vais apprendre à Klaus le véritable pouvoir des ombres. Toujours pas encore réalisé, je pense, mais on y arrive. Hein, visiblement, il a du mal à montrer que pas le pouvoir des ombres, ça marche bien. Non, mais il y avait de l'eau par terre, j'ai un peu glissé, c'est pour ça, j'ai perdu mes appuis. Oui, oui, oui. Ok. Donc rien. Bah, Mr. Klaus. Non, rien. Le concours de beat est toujours en cours et je peux compter sur Henrich pour me mener jusqu'à mes proies. Je vais encore attendre. De toute façon, on n'a pas de proies. Peut-être la prochaine. Ouais. Ouais, peut-être que quand on ira chasser le monstre, je m'en servirai comme appât et là, pour le coup, ça pourrait marcher. Ok. Ok, ouais, okay. Bon. Si tu joues sur mon ego, ça risquerait de marcher en plus. Eh oui. J'y compte bien. C'est bien, ça commence à devenir marrant. Heinrich. Oui, alors déjà, oui, alors lien, là, j'aimerais bien que le lien avec Arbiter, ce n'est pas la première fois qu'Arbiter et moi sommes dans le pétrin ensemble. Je tentais de libérer à la nanana, blablabla, bref, on s'en fout. Moi, pour moi, juste, c'est. Il n'a plus aucun sens d'exister avec la relation qui s'est installée entre nous. Et du coup, juste, on le tège et plutôt, je rajoute un lien du genre « Oui, Arbiter, c'est un très bon second » ou ce genre de conneries, tu vois. Plus un truc dans ce ton-là, vu qu'on a mon gang maintenant. Ouais. Oui, ton gang, oui. Ouais, effectivement. tu vois, il y a quand même besoin d'un lien pour officialiser la chose, tu vois. Et puis, je pense de ton côté aussi, tu vois. Tu ferais bien de rajouter un petit lien, hein, genre, ouais, ton gang. Ouais, ça me va. Yes. Plixp. Hop. Et puis je vais rédiger autre chose à la place. Alors, Arbiter fait un excellent second pour commander mes troupes. Mais moi, je suis la véritable autorité derrière. Tu es l'homme de l'ombre. Qui se met en avant. Alors, oui, c'est un homme de l'ombre, mais pas dans ce sens-là. Alors, ensuite, je me fais du souci pour la capacité de Klaus à survivre dans un donjon. À cause de son approche trop directe, il ne saisit pas certaines des subtilités de l'exploration de donjons. Or, aujourd'hui, il se trouve qu'il s'est très beaucoup intéressé aux subtilités de l'exploration de donjons et tout, et de son propre chef en plus. Donc moi, je considère ce lien comme résolu du coup, parce que voilà, je lui ai montré le chemin et il a vu la lumière. Refais-la doucement. Objection, votre honneur. La subtilité de l'exploration de donjons. J'essaie d'ouvrir des portes à coups de bottes. Alors oui. Après m'avoir laissé vérifier la porte et bien vérifier qu'il n'y avait pas de piège dessus, de deux, je te rappelle qu'en début de séance, t'es venu de ton propre chef à côté de la colonne pour que je t'explique comment tout le truc marche, puis t'as participé à la résolution de l'énigme. Je suis venu parce qu'il me paraissait vachement plus simple que les autres et je trouvais bizarre que tu t'intéresses à des œuvres simples plutôt qu'à des œuvres monumentales sur les dragons et tout ça. Pour moi, c'est une victoire, le paraître. Non, mais c'est une victoire, monsieur. J'ai calé. Non, je ne suis pas d'accord. Bah, Tu fais chier. Bon. Pour le coup, c'est ça. Là, tant que le PJ en lien avec toi n'est pas d'accord, ce n'est pas une. Oui, mais ah, voilà, tu parlais de brosser pour que je sois d'accord avec le tien, du coup. Voilà. Et Célène est tellement innocente, il faut que je la mette au courant du fonctionnement du monde. Oui, bah, non. Ça, c'est quand t'arriveras à coucher avec, je pense que tu pourras, l'amener. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Parce que quand tu arrives dans les Foxcroft, j'essaie d'y mettre des formes, tu vois. Genre, est-ce que tu pètes? Okay. Très bien. Célène, toi, est-ce que tu as des liens qui sont terminés? Non, parce qu'à Mirtoire voit mon esprit et le craint, je crois que ça commence à partir vers le... l'apprécie autant qu'il le déteste. C'est une véritable relation de haine-amour. est-ce que ça veut dire que le premier lien est terminé, tu gagnes de l'XP et tu crées un nouveau lien ou... Vous le gardez dans ce sens-là et vous le changez. Moi je pense que oui, on peut le résoudre et le remplacer par un lien qui montre une évolution dans la relation. Ouais, je suis d'accord. Parce que clairement, il n'y a plus de crainte, réellement. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus de la méfiance mêlée d'amusement, entre guillemets, au fait qu'au final, elle m'est utile. Parce que du coup, elle terrorise les autres clampins à agir. Tu vois que ça passe des gens coopératifs. Oh là là. Le drame. C'est ça. Tout à fait, monsieur. Voilà, moi en tout cas, je l'ai modifié. Hein. Mon esprit est vu par arbitraire. Il s'aime autant qu'il se déteste. Okay. Et donc, tu gagnes un XP sur le coup. Donc, t'as gagné un XP. Ouais, ce shipping sur 8 de ouf. Là, je suis à 8 sur 8. Waouh! Tu pourras passer le level plus tard. Donc, une fois tous les liens passés en revue, vérifiez si vous avez agi en fonction de votre alignement au moins une fois dans cette session. Alors, moi j'ai envie de dire que c'est en cours. Bah si c'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas encore fait, mais c'est en cours. Bah donc pas, y en a pas. Non. Pas pour moi en tout cas. Ok, par Bitter. Non non. Klaus. Non, moi j'ai rien. Ok, Heinrich. J'y étais presque. Le problème c'est que ça doit être un trésor puissant. Donc les bracelets à deux balles, pour l'instant, ils comptent pas. Non, c'est pas puissant. Voilà. Ok. Et ben, on a fait le tour. Il a trouvé les bracelets Scooby-Doo de. Donc bah, je vous dis merci pour cette partie et donc on va couper le live là et on se retrouve pour la prochaine, c'est-à-dire dans pas longtemps parce que ça sera pas vendredi demain mais vendredi de la semaine prochaine. Ok. Ok. Voilà voilà. Ça va. Et ben ciao bye à la prochaine. Ouais. Bonne année. Bonne année. Et bonne année, tout à fait, joyeuse Pâques.